Mon papa, t'es pas comme à l'ordinaire, mais qui t'a mis dans cet état? Cet état n'est pas du tout ton affaire, ton papa ne répondra pas. Nicolas, cher Nicolas, papa, il nous faut ses manières, Nicolas, à nos tracas. Mettre le haut là ne va complique pas, cherchons nos embarras, où tu me sauras, chocolat. J'avais jusque-là suivi mon maître pas à pas. Ah. En bon Nicolas, je vivais des jours sans éclat. Bah. Je me languissais d'une aventure, je rêvais. Hey. Cette fois c'est fait, j'ai mon mystère et mon secret. Un mystère, un secret, qu'est-ce que c'est? Vous roulez des yeux surpris, vraiment n'auriez-vous pas compris que toujours un homme est pris quand une femme. Papa, tu te ris de nous? Pas du tout. Tu n'es pas devenu fou? Pas du tout. On t'a changé d'un seul coup? Pas du tout. Pour voler les filles, suffit. Je voulais faire un effet, c'est vrai. Ce ne sont pas les principes. Il faut céder, à faire céder, il faut céder pour s'accorder. Il faut céder pour parvenir, à obtenir pour obtenir. Il faut couper court et rester sur car on discute pour faire l'amour. Il faut tout mieux d'être nerveux, savoir ce qu'on veut. Ne nous chicanons pas, ne nous embrouillons pas. Et suivons pas à pas ce que nous dit papa. Ne nous chicanons, ne nous chicanons pas, ne nous embrouillons, ne nous embrouillons pas, pas. Et suivons, et pas, suivons à pas à pas ce que nous ce dit que papa. Papa. Il ne faut se jamais se mesurer. Pour t'avoir côtoyé, la colère, le colère n'est pas le vôtre. Le plus calme est le plus fort. Ne nous chicanons, ne nous chicanons, ne nous embrouillons. Nous nous embrouillons pas, nous n'en sortirons pas, nous n'en sortirons pas. Suivez-moi, suivons le pas à pas. Ne m'interrompez pas, la colère ne fait rien. S'embrouiller ne n'est pas pour pas. La confusion, c'est le plus important.